Combien était-il au singulier, le chinois qui a bloqué la colonne de Charles? Combien était-il? Laissez tomber la question de la quantité. La quantité ne prouve rien. Laissez tomber la question de la quantité. C'est, est-ce que nous sommes nombreux? Je suis nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, le mot singulier. Il faut laisser tomber la question. La quantité ne prouve rien. Vous voyez ce film-là, on a fait une série, je crois que Chomsky et Howard Zinn, comme si on n'avait fait que ça pour les 5000 émissions de la Massachusetts. On va à Boston, on fait entretien, 3 jours d'entretien, enfin trois, avec Chomsky, voilà. On monte ça, on diffuse ça sur notre émission, et puis là-bas, j'y suis, c'était 500 000 par jour, 400, 500 000, 600 000 par jour. Ok, soit. Et puis on fait un film avec Olivier Azam et les copains de... voilà. Et c'est un succès formidable, 60 000 entrées. Et là, je vous ai dit, 4 fois, 4 jours de suite, à 400 000 par jour. Okay. On a oublié cette diffusion en radio. Mais tout le monde se dit, putain, ils sont des balèzes là-dessus, quoi. Ils ont fait autant, on a vendu, je crois, 100 000 DVD. Bon. Voilà. C'est considérable. Vous voyez? Là, on en est à 30 000 entrées dans les salles avec ce film. C'est un succès. Vous voyez? C'est drôle, non? 30 000, c'est rien du tout. C'est ce que, cet entretien-là a fait l'objet d'une série d'émissions dans la masse où j'y suis. 3 jours de suite, je pense, voilà. Bon, ça fait partie du tout venant, du normal, du régulier, du fond sonore. Du fond sonore, de l'écoute flottante. Ok? Là, vous êtes vachement attentif, là, pop, pop, pop. Il y en a 2 ou 3 dont ça va changer la vie. Là, je sais pas lesquels, hein. Ils le sauront dans 10 ans. Mais 2 ou 3 dont ça va changer la vie. Ça nous comble. Ceux qui changent les choses est presque toujours minoritaire au départ. Presque toujours minoritaire. C'est un homme, c'est quelques groupes, c'est une femme, c'est quelques-uns. Regardez ce que dit Rosa Luxembourg dans ce film, t'as tombé par terre. Non? J'ai vu le trou. Voilà. Le trou qu'elle fait. Ça, vous savez combien ça dure de temps dans le film? 2 minutes. C'est la seule voix féminine du film. On a voulu calibrer ça. Elle change tout. Si vous voulez quelqu'un qui a une pensée sur le XXe siècle, une pensée progressiste pour le XXIe siècle, allez voir, allez chez Rosa Luxembourg. Elle était quoi à l'époque? Qui en parlait? Quelle star elle était? Qui la suivait? Quelles étaient les émissions de télévision? Je ne sais quoi qui lui était consacré au cœur. Il faut faire gaffe à ça, il faut revenir au pionnier, le franc-tireur, la première ligne. Alors on a retrouvé ça avec les lanceurs d'alerte. On retrouve nos francs-tireurs avec les lanceurs d'alerte. C'est bien, non? Avec Guy Vanctil, on réussit un truc incroyable, c'est qu'on a un entretien avec Assange à Londres. On a prévu une demi-heure, et on fait 1h30, il nous adore, il est formidable. Guy est un traducteur formidable. On sort de là, on dit, putain, c'est génial, on a eu Assange. L'homme le plus crucial à ce moment-là. Voilà, et c'est le point crucial en ce moment, c'est ça. Et cette fois-ci, on appelle la direction de France Inter en disant on a un truc génial, là, il faut absolument que vous fassiez une promo, etc. C'est non. C'est décidément non. Et Philippe Veul, non pas lui directement, mais par son bras droit, nous fait savoir qu'il est contre, mais par quelqu'un qui ensuite va détruire l'émission, va arrêter l'émission, fait savoir qu'il est un obstacle à la démocratie américaine. C'est vrai? C'est vrai. Philippe Veul a une bonne analyse. Et nous sommes pour cette critique de la démocratie américaine. Sauf que cette démocratie-là n'est pas la nôtre. La guerre des idées continue. Il y a des batailles d'idées qui ont été perdues, mais la guerre des idées n'est pas terminée. Et on ne l'a certainement pas perdue, monsieur. On l'a gagnée très souvent. Ceux qui sont du bord où nous sommes, parce qu'il y a des bords, il y a des tranches, il y a des lignes rouges. Eh bien, de ce côté où nous sommes, on a très souvent gagné. La preuve, c'est que vous êtes là et que on a des libertés et on a des acquis, on a des conquis et que nous n'avons pas à avoir honte des nôtres et à s'amuser à nous voir comme des perdants. Et surtout pas dire ça à vos enfants. Il faut pas mettre des enclumes dans les poches des enfants. C'est notre boulot, les vieux. Je suis vieux. Je reprends ce que disait Alain tout à l'heure. Qui est-ce qui a gagné et qui est-ce qui perd? On verra à la fin. Ou bien on peut, écoutez, on peut faire un truc. Tout est foutu. Ça n'a jamais marché. C'est toujours pareil. Ok? On rentre. D'accord? C'est sympa, non? Non, mais il était sympa, le vieux. Non. Il est gentil. Voilà. On laisse tomber. Ok? Puisque c'est toujours pareil. Puisque ça change jamais. Puisque toutes ces luttes n'ont jamais servi à rien. Qu'elles soient aux États-Unis ou ici ou en Chine. Eh bien alors, couchons-nous. On avait bien raison de rien foutre. On avait bien raison de ne pas s'engager. Puisque ça ne marche jamais. Puisque décidément, et puisque c'est le Front National qui rentrons à la maison. Et puis, dormons. C'est incroyable, le talent, l'invention de tous ceux qui ne font rien, ne s'engagent jamais, sont complètement inertes pour trouver des trucs pour vous couper les pattes. C'est extraordinaire. Ils sont fabuleux. Ils sont très nombreux. Mais on les emmerde. On les emmerde. Qu'on soit nombreux ou pas nombreux, on continue. On continue. Parce qu'on ne sait pas faire autre chose, peut-être. Mais on a des victoires fantastiques. Et puis des défaites qui ne sont pas moins. La culpabilité nous encombre. J'ai sorti un bouquin en 2000, ça s'appelle « Les carnets de route de la basse Vichy ». Voilà, c'était des textes sur la basse Vichy. Et l'éditeur, c'est le premier livre que je sortais. L'éditeur m'avait dit « Mais si, il faudra aller signer le livre dans les librairies, j'ai eu du web, je ne savais pas du tout ce que ça représentait. » Le premier endroit où je l'ai, c'était la FNAC à Toulouse. J'étais avec une copine, elle me dit « Je voulais faire découvrir Toulouse, je faisais mon malin, le mec qui connaît Toulouse, etc. » Et on est passé devant la FNAC à l'heure dite, il y avait une foule, je me suis dit, bon, c'est un incendie ou un truc, barrons-nous. C'était pour moi. Ok. Et je me suis retrouvé devant un public comme ça, j'avais jamais fait ça. Avec la radio, on est loin des gens, on les voit pas, ils étaient là. La première question, c'est, ça vous aide pas d'être ici à la FNAC, qui possédait la FNAC, Pinot, je sais pas. Et puis, de travailler pour la découverte qui appartient à Jean-Marie Messier. Wow. Et ma copine dit comment il va s'en sortir, c'est vrai, je sors avec un collabo. Et j'ai dit, écoutez, regardez, j'ai des chaussures qui ont été fabriquées je sais où, en Indonésie, et c'est vrai que j'ai honte. C'est vrai que j'ai honte, fabriquées par des ouvrières, je vais les enlever. Et j'ai une ceinture qui a été fabriquée par des gosses au Mexique avec des vaches qui ont été machines, etc. Je l'enlève. Et j'ai une veste qui est fabriquée avec du textile qui a été fait. Je l'enlève. Et puis alors j'ai un slip qui est en coton qui a été fabriqué. Je vais l'enlever. Je vous demande de tous faire la même chose, les amis. On va tous faire pareil, quoi. On va être cohérents. Soyons cohérents. Voilà. On va tous se retrouver à poil. À la FNAC. Non mais soyons cohérents. Vous voulez, parce que vous n'avez pas honte d'avoir cette casquette-là. Et vous savez où c'est fabriqué, c'est oui, vous avez. Et vous voyez votre machin, votre iPhone fabriqué par des petits chinois. Oui, l'autre avec sa caméra. Ben oui, vous avez raison. Ouais. Ah ben non, mais on arrête tout. Mais oui, vous savez, et c'est du nucléaire, ça. Oui. Vous savez quoi? On est compromis, les amis. Ben oui. Voilà, qu'est-ce qu'on fout? Voilà. Il n'y a pas un autre navire. On est à bord de celui-là. Il n'y a pas un autre navire, il n'y a pas à ne plus être sur ce navire, on est dans ce navire. Ah, là qu'est-ce qu'on fait? Ah mais non, il n'y en a pas un autre. Voilà, donc on est dans ce navire-là, on est compromis. Ouais, ouais. Ah oui, et alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on a honte, on s'en fout de la honte. J'ai raison d'évoquer ça, qui renvoie à une époque où les États-Unis n'étaient pas ce qu'ils sont devenus. Et où il y avait aux États-Unis pas seulement quelques Howard Zinn, il était jeune à l'époque, hein, des raisins de la colère de Steinbeck, et où tout ce pays, ces intellos, ces artistes et ces hommes politiques, vous évoquez l'époque du New Deal, de Roosevelt, etc., pensaient qu'un autre monde était possible. Il y a plusieurs moments dans le New Deal, c'est très intéressant d'évoquer le New Deal. Il y a des moments absolument fabuleux dans le continent, il y a des moments où on a des ouvertures et des réalisations tout à fait étonnante sur le plan social, politique. La solution a été la guerre. Roosevelt a fini par penser que la solution, c'était la guerre. Et dans le film d'Howard Zinn, que c'est les gagnants qui font l'histoire, en fait. Les chasseurs. Oui, les chasseurs. Bon, nous, les lapins et eux, les chasseurs. Oui. Et est-ce que vous pensez voilà, qu'il y aura une mémoire un petit peu des lapins sur ces luttes passées? Parce que c'est vrai que les jeunes sont de plus en plus apolitiques. Est-ce que vous pensez que ça va se transmettre? On a toujours dit que les jeunes étaient apolitiques. Les jeunes ont toujours été cons et apolitiques. Quand j'étais jeune, moi, et soi-disant apolitique, il y avait un film qui disait « Hitler connaît pas hein. ». Voilà, j'avais 14 ans et on disait « Hitler connaît pas ». Voilà. Et on voulait dire que les gamins de ma génération ne savaient plus qui était Hitler. Non, mais il faut arrêter avec ça, cette histoire des jeunes qui croient qu'il y a rien, qui sont machins, etc. Et les nouvelles technologies. Mais écoutez, les trucs sur l'arrivée de la DSF, c'était le drame. Le robinet d'eau tiède qui allait démobiliser la jeunesse, machin. Après, c'était l'office catholique du film qui était contre le film. Tout le cinéma, c'était mauvais. Le Parti communiste avait un machin, c'était contre le cinéma. Contre. Ah ben, vous êtes à Angoulême. Eh, mais relisez. Il y a peut-être des historiens de la bande dessinée ici, il peut y en avoir. Ce que le Parti communiste et l'Église catholique disaient des illustrés. Voilà. C'était mauvais. C'était mauvais pour la lecture, pour la culture, pour la pensée, pour, ça tournait vers le vice, ça rendait paresseux, etc. Ils aient tout ça. Voilà. Maintenant, vous avez exactement les mêmes qui font des copier-coller avec Facebook et tout. C'est la même chanson. Vous laissez pas machiner, paralyser, inhiber avec une jeunesse qui serait plus con que la précédente. Toujours pareil, plus aussi con. Non, il y a toujours les mêmes moyens de se battre, de défendre les mêmes espérances. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même pas épais. Voilà, c'est un tout petit ruisseau. On veut pas de pub, on veut pas de subvention. Le service public, t'as vu, ils sont pas très tendres avec nous. Voilà, ils ont fini par nous avoir. Donc c'est vous qui le payez, mais vous n'êtes pas obligés. Mais non, ce ne sera pas gratuit. Si c'est gratuit, c'est nul. Il y a au moins un tiers, c'est la moitié du site, est accessible aux archives gratuitement grâce à ceux qui payent plus. Ne demandez pas que ce soit gratuit. Si je voudrais que le coût baisse un petit peu. C'est 5 euros par mois. C'est le prix d'un paquet de clopes ou de 2 de mauvaises bières. Ok? T'as pas ces moyens-là. Tu peux t'abonner pour 1 euro. Non. Vous faites des mauvais procès. Vous voulez pas que ça marche. Qu'est-ce que c'est que 5 euros par mois? C'est rien. Vous avez un média qui dit, là, on en parlait tout à l'heure, on vient de diffuser un truc sur, avec, Alain Badiou. C'est pour ça, c'est vrai que je... Ok. 100 000 vues d'un bonhomme qui parle tout seul pendant 1h46. Ça va être diffusé partout, ça? Voilà. Ok. Comment on va le diffuser partout? Comment le diffuser partout? Si tu donnes pas de pognon, on ne pourra pas le diffuser partout. Avec tes trucs de 5 euros, c'est trop par mois, on ne le diffusera pas, c'est tout. Mais toi, tu diras, ouais, moi, je veux que ce soit gratuit parce que je suis pour la vie gratuite. Ça, c'est la pensée absolument ultralibérale. Tu te prends pour un libertaire. Tu es un libéral, un ultralibéral qui veut que ce soit gratuit. C'est la pensée gratuite. La gratuité, c'est le néolibéralisme. En filant 5 euros par mois, vous avez tout ce boulot que nous faisons. Voilà, nous produisons, nous développons, on paye les gens. Les gens sont payés à la masse, je suis pas de bénévoles, pas d'amateurs, uniquement des professionnels qui sont payés et bien payés. Ou bien on paye, ou bien on ne sait pas. C'est le principe général. Et voilà. Donc, vous participez ou vous participez pas. Mais ne nous demandez pas que ce soit gratuit. Faites gaffe à ce que vous bouffez sur le net. C'est pollué. C'est pollué ce que vous bouffez. Tous ces blogs, tous ces machins, etc., s'alimentent où? Dans le système médiatique. Il faut se demander d'où viennent les infos? D'où viennent ces blogs? De quoi parlent ces blogs? Ces analyses, soit qui se prétendent libertaires. Quels sont les sujets dont ils parlent? Ils parlent des sujets qui sont imposés par les grands médias. C'est les grands médias qui tiennent l'agenda. Et les grands médias sont tenus par les 8 milliardaires qui tiennent des médias en France. Donc, en vous croyant libertaire, en disant « Ah, mais dans le blog de machin, il critique telle ou telle chose », la critique de la chose en question est bel et bien dans les grands médias, dans les médias dominants, qui créent l'agenda. Les médias, les grands médias, les médias dominants n'ont pas tout le pouvoir, et ou bien amplifie les choses, ou bien les exacerbe, ou bien les marginalise, mais c'est eux qui créent l'agenda. Les médias alternatifs, il y en a quelques-uns en France, il faut les encourager en ceci qu'ils créent un autre agenda. Et que fait Howard Zinn ? Je veux dire, voilà, ça me permet de revenir sur le film. Qu'est-ce qu'il fait avec ce film ? Qu'est-ce qu'il fait avec ce livre ? Il ne critique pas l'histoire des États-Unis telle qu'elle est racontée. Il raconte une autre histoire des États-Unis. Pensez bien à ça. Il les laisse crever dans leur vomi. Il les laisse avec leur histoire. Je finis après tu. Ok ? Et il raconte une autre histoire à côté, à la place. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous n'allons pas sur l'agenda de notre ennemi. Je dis bien ennemi. Vous pouvez noter la troisième phrase. Voilà, ce sont nos ennemis de classe. Ce sont la guerre, les idées, elle est là.